Я сгамо, вахасилум, это мой кадо, по хуле мет ле бланков, си чикенгстер. Бланков и ле глок сон ла, вирже шар а ла ви а ла мор, он рест гэнгстер. Бланков и ле глок сон ла, вирже шар а ла ви а ла мор, он рест гэнгстер. Бланков и ле глок сон ла, вирже шар а ла ви а ла мор, он рест гэнгстер. Бланков и ле глок сон ла, вирже шар а ла ви а ла мор, он рест гэнгстер. Ma bouille entière c'est un H, puis récidive, ma foi c'est taré. Bref t'as rien à foutre dans le secteur frère, à moins que tu sois égaré. Y'a pire que ce gars blanc, mais nil sur mes textes. Même nos meufs sous gang, elles sont gang, elles sont la BL capitale des doux, le berceau du je m'en bats les couilles. Plus de type, plus de respect, ma gueule. Et ceux qui ont 35 balais rouillent des soldats disparaissent, mais la légende ne meurt pas. La secte et le surf, pas terrain cramé. Ouais, j'ai un mot, j'en reflète toutes les cicatrices. J'ai pas changé, ça fait ma crise. Depuis l'époque d'Henri Matisse, le continent, y'a le petit Aliza, Notre-Dame, le reste. Blancoc, si tu gang, si tu gang, si tu gangsta. Blancoc et les Glocks sont là. Vierge char à la vie à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Vierge char à la vie à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Vierge char à la vie à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Vierge char à la vie à la mort, on reste gangster. Là où on pourrait tiver la famille Inchata. On paye pas de mine trace, tout à ma ville c'est Kinshasa. Entre le Nesou et Bon du Nord, on s'entraîne dans les cointards. Si t'es pierce, t'es marre le pointard. Gangster, ton genre, chez Fafa, reste tranquille, va pas dire qu'on te l'a volé. Le 12, la verse, le pontiblon, tout le monde se croise à la bolée. Le sud, 14 et 15 à Montillier, des chutes et des jeux-pieds. Le territoire des émeutiers, équipe de 1000. Blanc comme Dangerous, appelle qu'on vienne vite t'aider. Ramène des heures, on faut ta vie, tout suce ta vie, pédé. Après, casse-nous pas les couilles, toute ton équipe, on la peigne. Blancoc, city gang, city gang, city gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. Blancoc et les Glocks sont là. Viens, je charre à la vie, à la mort, on reste gangster. La fouille, Tianzo, Blancoc, Titi Gang. Aïe. Le projet Blacklist. Tianzo. Long Coast City Gang.